franceinter.fr. C'est aux États-Unis, à la fin des années 1920, que nous partons aujourd'hui. Année 20, année folle pour les Français, rugissante pour les Américains, les Roaring Twenties. Oublier la guerre, s'inventer une nouvelle vie. Alors que la Russie tente à marche forcée une expérience communiste, l'Amérique des années 20 cultive son propre rêve, celui d'une prospérité sans limite, où chacun a sa chance. Avoir un bon boulot, s'acheter une maison et une voiture, avec le crédit c'est facile, et pourquoi pas devenir riche. Riche comme Henry Ford, le géant de l'automobile, William Randolph Hearst, le magnat de la presse, ou encore Samuel Insull, petit employé ingénieux devenu richissime homme d'affaires. Pourquoi pas moi ? Dans ces années 20, même les ouvriers et les ouvrières veulent leur part de rêve et achètent des actions. Tout semble possible. Mais le 24 octobre 1929, un coup de tonnerre éclate dans ce ciel serein. C'est le fameux jeudi noir qui marque le début de la première grande crise mondiale. Ce soir, deux destins vont se croiser. Celui de Samuel Insull, le milliardaire ruiné, et celui du journaliste Carl Roddick, qui veut venger la mort de son père, mort parce qu'il n'a pas vu venir la tempête. Porte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Pierre-Cyril Auqueur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire financière, notamment la crise de 1929, publiée chez La Découverte. En une première chose, pour commencer, pourquoi la crise de 1929 reste encore aujourd'hui, pour le grand public, la référence quand on parle d'une crise économique ? Est-ce que c'était parce que c'était la première d'une telle envergure ? C'est la première qui a touché le monde entier. Et puis surtout, c'est une crise qui a duré extrêmement longtemps, puisque à la veille de la guerre, on avait à peine retrouvé à peu près le niveau de revenus par habitant dans les principaux pays de ce qui était avant la crise. C'est-à-dire et juste puis, avant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et puis elle a débouché dans une certaine mesure sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, au total, c'est un changement très radical. Une rupture brutale, et puis elle a orienté le fonctionnement des économies des pays développés vers un mode de régulation de l'État beaucoup plus importante qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et donc je crois que ça a fait, effectivement, c'est une césure majeure dans l'histoire du XXe siècle. Et aussi peut-être parce qu'elle a créé un doute. Elle a créé un doute, elle a renforcé un doute qui existait en partie dans certains pays avec le développement des mouvements socialistes et qui là a trouvé une sorte de confirmation. Le seul pays dont on dit qu'il n'est pas en crise, c'est l'URSS à ce moment-là, et le mythe soviétique devient encore plus fort. Oui, l'URSS connaît d'autres problèmes, évidemment, à ce moment-là. Mais qui sont masqués. Dans quelques minutes, donc, je vais raconter l'histoire de Samuel Insull, la cavale d'un milliardaire. Insull, un magnat de l'industrie américaine, self-made man, dont la fortune s'est effondrée donc suite à la crise de 29, un homme qui a réellement existé. Alors, cette histoire est racontée à travers le regard d'un personnage de fiction, Carl Roddick, jeune journaliste au New York Times, qui, vous allez le découvrir, à un compte personnel à régler avec cet homme. Nous parlerons donc de la crise de 29 à travers le prisme d'une histoire personnelle. Mais avant, Pierre-Cyril Auqueur, pouvez-vous nous rappeler, à grands traits bien sûr, à quoi ressemblait l'Amérique des années 20 avant la crise de 1929 ? Alors l'Amérique n'a pas souffert comme l'Europe de la Première Guerre mondiale. Elle en a presque bénéficié parce que c'est en Amérique qu'on allait acheter tout ce qui était nécessaire pour la guerre en Europe. L'Europe s'est endettée pour acheter tout ça. Quelques hommes qui sont morts sur le front. Il y a quand même eu un peu quelques morts, mais par rapport à ce qu'il y a eu en Europe, c'est extrêmement faible. Et la poursuite de la guerre a été celle d'une croissance importante dans l'économie américaine. C'est le moment où le Sud profond, esclavagiste, sort de cette économie un peu attardée, où des millions de Noirs vont vers l'industrie du Nord. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs la ségrégation raciale de se poursuivre. Ce qui n'empêche pas la ségrégation raciale de se poursuivre, mais elle se poursuit selon des modalités différentes. Et malgré tout, il y a une dimension profonde libératrice, même pour ces gens qui étaient presque encore des anciens esclaves et qui arrivent dans les usines du Nord, où les salaires sont extrêmement élevés par rapport à ce qu'ils sont partout ailleurs dans le monde et par rapport à ce qu'ils n'ont jamais été ailleurs. Et donc, les gens peuvent accéder à des choses qu'ils n'avaient jamais pu avoir auparavant. On a l'électrification généralisée du pays qui a lieu avec une grande avance par rapport à l'Europe. Dont Samuel Insull, d'ailleurs, notre héros de ce soir, est un des absolument, responsables. Absolument, il a participé au développement des plus grands réseaux de distribution d'électricité, notamment dans la région de Chicago. Et donc les gens peuvent acheter des grille-pains, des machines à laver, etc. Il y a une espèce de... C'est la société de consommation qui commence. La société de consommation commence, et notamment l'équipement électroménager, qui est quelque chose de complètement nouveau, qui est vu comme libérant les femmes d'une partie des tâches domestiques, ce qui leur permet de rapporter un deuxième salaire, ce qui leur permet évidemment d'avoir un niveau de vie au niveau des familles qui est son précédent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Les gens commencent à même acheter des voitures, qui est encore un bien d'extrême luxe au début des années 20 et qui, grâce notamment au crédit, devient un bien relativement commun à la fin des années 20 aux États-Unis, alors qu'en Europe, c'est encore un bien de grand luxe. C'est un boom de l'économie, de la consommation, et en même temps, il y a la prohibition de l'alcool qui continue. Oui, ça c'est le contraste de l'Amérique qui est toujours à la fois libertaire et puritaine. On constate ça pendant toutes les années 20, il y a à la fois la prohibition de l'alcool, mais en même temps une consommation d'alcool. Oui, en cachette, en bois. Cachée et qui reste tout aussi importante pratiquement d'après les études qu'on peut faire aujourd'hui. Oui, il y a une forme d'hypocrisie. Voilà. Tout le monde joue à la bourse aussi. Tout le monde ne joue pas à la bourse. Je crois que là, il y a un mythe en partie. Beaucoup de gens consomment. C'est vrai que l'accès... à l'achat de titres en bourse, d'actions ou d'obligations, se répand parce que on fait crédit. Et ça, c'est une chose qui n'existait pas à cette échelle auparavant, qui est développée par quelques grands brokers qui font du crédit pour acheter des actions. Et ça, c'est extrêmement nouveau et ça va jouer un rôle important dans la crise. Oui, on va voir que cette prospérité était belle, mais elle avait une certaine fragilité. Pierre-Cyril Auqueur, je vous propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter Samuel Insull, La cavale d'un milliardaire, un texte de Sharif Gattaz, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, à la réalisation Cédric Ossir. Faut que je sorte là, faut que je sorte, j'étouffe. Non mais c'est l'invasion. Ouais, c'est l'invasion. À peine croyable, c'est à peine croyable. C'est comme une hémorragie. La foule, ils sont enragés, ma parole. Ils ont l'air complètement fous. Et merde, ma chemise neuve, le col est tout déchiré maintenant. Wall Street qui se casse la gueule, les cours qui dégringolent, la chute libre vertigineuse. Et ce malheureux guichetier aux mains de ses clients, il est secoué le pauvre vieux. Il y est pour rien, lui, dans tout ce merdier. Oh, bon sang. La tronche de mon père quand il apprendra la nouvelle. Lui qui a placé toutes ses économies sur la compagnie de Samuel Insull. Mais personne ne voudra me croire. C'est impensable, ils diront. Ils vont me renvoyer dans les 6 mètres, c'est sûr. New York, jeudi 24 octobre 1929, 11h30 du matin. Carl Roddick, journaliste du New York Times, quitte précipitamment l'immeuble à Wall Street du New York Stock Exchange, le siège de la plus importante bourse du monde. Bill, le rédac chef, je le vois d'ici. Allons, allons, Roddick, restez lucide, mon petit. Un pic de fièvre, ça n'a jamais tué personne. Et pourtant, si, je sais ce que j'ai vu. C'était marqué, ça défilait, là, sous mes yeux, sur le tableau électrique. Vendez, mais vendez, je vous dis, vendez tout. Je les ai bien vus, les agents de change qui s'étripaient derrière les guichets. Faut que je prévienne Nora, moi, et vite. Hé, hey, taxi, taxi. Il est midi lorsque Carl Roddick pénètre dans les bureaux de la rédaction du New York Times, situé à Times Square, le cœur névralgique de la ville, au sud de Manhattan. Comme une tornade, Carl fonce bille en tête vers Nora O'Neill. Viens avec moi, je vais te parler. Qu'est-ce que t'as ? Dis-moi, je te dis. Non, mais attends, t'es tout vert. Y'a de quoi, Nora, y'a de quoi. Je te préviens, Billy Furax, il te cherche partout. Et Raymond attend toujours le papier que tu devais lui remettre la semaine dernière, paraît-il. Enfin, je ne fais que transmettre. Oh, c'est pas vrai, lui me cherche partout. Eh ben, dis-lui que je reste pas le plus collé à ma chaise derrière mon bureau, moi. Je suis sur le terrain, au cœur de la bataille. Et sans vouloir vous commander, vous feriez bien d'en faire autant. On va fermer la porte. Hé, hey Zorro, tu voudrais pas te calmer et descendre de ton cheval au lieu de montrer les crocs ? Il y a un chien enragé. Enragé, oui. Choqué aussi, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est notre tête-à-tête d'hier soir, t'as du mal à te remettre. Je comprends ça, tu sais. Embrasse-moi. Laisse-moi. Je rêve ou tu viens de me repousser? Ok, Nora, je te la fais courte parce que visiblement t'as pas l'air au courant. C'est la folie à Wall Street. La bourse se casse littéralement la gueule. Les gens sont en train de devenir dingues. Tu comprends ce que je raconte? Il y a au moins 5000 gars dans Manhattan, la rage au corps, mort de panique, prêts à s'étriper s'ils apprennent qu'ils sont ruinés. Est-ce que ça fait tilt dans ta petite tête, oui ou non? Quoi? C'est une blague? Une spéciale rodique du jeudi matin, c'est ça? Eh ben, décroche ton téléphone et appelle un agent du Stock Exchange si tu ne me crois pas. Ok, donc tu me crois. Bah... Tant mieux, je file. Dis à Bill que je suis sur le coup, ok? Et Carl? Quoi? Tu m'embrasses pas? Si. Excuse-moi, Nora. Je suis inquiet pour mes parents, tu sais. Mon père a acheté des actions de la Middle West Utilities, la société de Samuel Insull. Sans trop en parler à ma mère, je crois, en plus. Et les cours sont en chute libre. Je t'appelle. La veille encore, l'Amérique baignait dans une atmosphère de croissance et de prospérité économique extraordinaire. Élu président des États-Unis 6 mois auparavant, Herbert Hoover est le porte-étendard d'une American way of life que rien ne semble pouvoir troubler. Des quatre coins du pays, on spécule, on boursicote à l'envi dans un climat d'optimisme inébranlable. À cette époque bénie, le moindre dollar misé à la bourse de Wall Street rapporte à la fois ivresse et vertige aux actionnaires des sociétés anonymes qui se multiplient. Une époque où chaque citoyen américain ressent comme un devoir de saisir la chance de faire fortune. Mais la réalité du système capitaliste américain est tout autre. Fondée sur le volume des achats et des ventes, la folle spéculation sur le marché peut faire monter les cours dans des proportions invraisemblables. La valeur des actions achetées à crédit n'a alors plus aucun rapport avec les entreprises qu'elles représentent. Le pays tout entier est ainsi embarqué dans un train lancé à pleine vitesse. Mais au moindre ralentissement des transactions boursières, la belle locomotive déraille. Ce jeudi noir d'octobre 1929, la catastrophe est là, provoquant la plus importante crise économique jamais survenue, et avec elle, la Grande Dépression. Eh hey garçon, la même chose, un double whisky. De toutes les façons, l'alcool, ça marche pas. Y a rien qui fonctionne contre ceux qui me rongent l'estomac. Coupable. Voilà. C'est tout. Je suis le seul vrai coupable. Ou non, pas tout à fait. La moitié du seul vrai coupable. Ouais, je suis un mauvais fils. J'ai conseillé à mon paternel d'acheter de l'Insol. Mais est-ce que je pouvais imaginer qu'il allait en acheter autant? Il a cru que tout à coup, avec maman, ils allaient rouler sur l'or. Juste grâce à la Middle West Utilities. Fermer les yeux, faire confiance à ce nabab de Samuel Insull, et puis s'en aller boire dans l'arrière-salle d'un speakeasy jusqu'à rouler sous la table. Voilà ce qui a tué Frank Roddick. Le 12 novembre 1929, à 1h du matin, Nora O'Neill arpente le quartier du Queens à la recherche de Carl Roddick. Elle connaît bien les Blind Pigs du quartier. Ces bars clandestins sans enseigne qui, en ces temps de prohibition, vendent illégalement de l'alcool. Même si elle a l'habitude, Nora n'en mène pas large quand elle entre au Dutch Kills, un bar plutôt glauque sur Jackson Avenue. Elle est déjà venue ici une fois avec Carl pour écouter du jazz. Te voilà quand même. Je peux m'asseoir? Je te préviens, j'empêche le whisky. Et le tabac froid. Voilà. Tu es belle dans cette robe. Hein. Merci. Comment tu m'as retrouvée? J'ai bonne mémoire, c'est tout. Puis tu m'avais dit que ton père traînait souvent ici le soir. Je suis content de te voir. Et si tu viens pour me consoler, Nora, abandonne tout de suite, c'est pas le genre de la maison. J'étais chez toi ce midi, j'ai vu ta mère. Nora, j'ai dit non. T'as une sale tête, Carl, ça me plaît pas du tout. Tu disparais du jour au lendemain, j'appelle chez toi, t'es jamais là, ou tu refuses de me parler? Je m'inquiète, c'est normal. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise, hein? Je sais pas. Tout. Tout? Oui, tout. Tout ce que tu peux pas dire aux autres, tout ce que t'as sur le cœur. Cette image de mon père, en bas de l'immeuble, elle m'obsède jour et nuit. Si j'étais arrivé une heure plus tôt, j'aurais peut-être pu l'empêcher de faire cette connerie. Je suis arrivé trop tard. Se foutre par la fenêtre pour quelques poignées de dollars. Pour lui, ça comptait beaucoup. Et peut-être qu'il avait honte de s'être laissé prendre. Vis-à-vis de Maureen, et vis-à-vis de ses enfants. Se défenestrer, s'écraser la gueule 6 étages plus bas, tout ça pourquoi? Pour du fric? C'est moi qui lui ai annoncé que ses actions ne valaient plus rien. Je lui ai dit ça sans penser que... Tu veux une gorgée ? Vas-y, bois. Écoute, Karl, faut que tu reviennes bosser au journal. Négatif. Bill trouve ton papier sur le jeudi noir extra. J'emmerde Bill. Il me l'a dit, tu sais. Et Jack aussi. J'emmerde Jack, Nora, c'est clair ? Je les emmerde tous les deux et j'emmerde le New York Times. Ok, ok, t'emmerdes la terre entière, j'ai compris. Mais tu peux pas rester comme ça, aéré comme un chien. À boire du matin au soir dans les bars malfamés, au milieu des voyous et des soulards. Et pourquoi pas ? Mais parce que c'est pas toi, ça. C'est pas Karl Roddick. Ah oui. Et c'est quoi, Karl Roddick, d'après toi ? Karl Roddick ? Bah, d'abord, Karl Roddick, c'est le journaliste le plus prometteur de cette foutue ville. Karl Roddick, c'est un gars brillant, doté d'un sens inné de l'investigation. Ne regarde pas comme ça, je le pense. Et puis Karl Roddick, c'est une plume en or. Et aussi Karl Roddick, c'est le mec que j'aime. Et le mec que j'aime, il passe pas ses journées à se lamenter comme un... Mon père est mort, Nora. Ma mère se retrouve toute seule et sans le sou. Ce grand pays à la con est ruiné. Et des salopards, des voleurs, des arnaqueurs, comme Samuel Insull... continue de respirer à plein poumon la bonne odeur des liasses de fric qui tapissent le coffre-fort de leur manoir. Et tu voudrais quoi ? Que je l'accepte ? Pas question. Que je me fasse une raison ? Impossible. Mon père, Frank Roddick, était un ouvrier. Un type un peu déjanté, avec des lubies de grandeur dans la tête. Il forçait sur la bouteille, il n'était pas toujours cool avec ma mère. Mais foncièrement, c'était un homme honnête à qui Samuel Insull... avec toutes ces foutues holdings, a vendu du vent. Tu comprends ça ? Karl, c'est terrible, j'en suis consciente. Mais des types comme ton père, il en existe des millions d'est en ouest des États-Unis. On en découvre tous les jours qui n'ont pas tenu le coup. Et donc ? Donc, rien, c'est pas de ta faute. Et puis, pense à ta mère, à moi, à ton boulot. C'est pas en foutant ta vie en l'air que t'arriveras... Je vais le retrouver, Nora. Retrouver quoi ? Insull. Mais dis pas n'importe quoi. Retrouver Samuel Insull ? Tu sais même pas où il habite ? À Chicago. Ouais. Oui, c'est là qu'il vit. Je le sais, j'ai fait mon enquête. Ok, ce milliardaire vit à Chicago. Et alors ? À mon avis, avec ce qui s'est passé, il doit se cacher. Mais admettons, une fois que tu seras devant lui, tu feras quoi ? Une fois que je serai devant lui, je vais lui faire la peau. Oui. Oui, tu m'as bien entendu, la peau, Nora. Alors, ce que raconte ta mère est vrai. Tu envisages de venger la mort de ton père. Non, Nora, pas que celle de mon père. Tu l'as dit toi-même, il s'agit de millions de braves types à qui Samuel Insull se doit de rendre des comptes. Mais tu es complètement fou. Et je te le rappelle, on a une justice dans ce pays. Porte plainte. Prends un avocat. Insull sera condamné. Oh, je te parle. Tu vas quand même pas faire justice toi-même et pourrir en prison toute ta vie. La justice... elle n'a pas l'air pressée d'accomplir son devoir. Je vais m'en occuper personnellement. Fils d'un pasteur anglais, Samuel Insull avait débarqué aux États-Unis en 1877. Il n'avait alors que 18 ans, mais il était doué pour les affaires et déjà armé d'ambitions démesurées. Engagé auprès de l'inventeur Thomas Edison, il en est très vite devenu le principal homme de confiance. En 1892, installé à Chicago, il fonda la filiale Chicago Edison en charge d'éclairer la ville. Et en quelques années, le jeune financier entrepreneur va acquérir, par achat direct, fusion et échange de titres, le contrôle de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique sur tout le Midwest et sur la région industrielle des Grands Lacs. À son apogée, sa société, la Commonwealth Edison, assure 10% de l'électricité américaine. À la tête d'un véritable empire économique, Samuel Insull se trouve rapidement propulsé au panthéon des fortunes américaines, aux côtés de Rockefeller, Mitchell et quelques autres industriels de légende. Mais les grandes institutions financières ne voient pas la prospérité et l'indépendance d'Insull d'un œil bienveillant. Ce qui pousse l'homme d'affaires à orienter ses offres vers les petits épargnants. Le système Insull est simple et sa cible évidente. Vendre des actions à crédit et payer des dividendes juteux en procédant sans cesse à de nouvelles émissions. Un jeu dangereux qui dépend du flux de la demande. En d'autres termes, un empire en papier. Ça, tu es si sombre. C'est fini, chérie. Tout est fini. Enfin, c'est impossible, Sam. Pas toi. Si, Gladys, moi. Samuel Insull, me voilà à genoux. Et tu dis ça comme ça? Sam, je te parle. Depuis près d'un mois, Samuel Insull et son épouse, Gladys, une ex-chanteuse d'opéra de 20 ans sa cadette, se sont réfugiés à Libertyville. C'est là, au milieu d'un parc privé, que notre milliardaire et son épouse ont fait construire un extravagant et très luxueux manoir de style espagnol, assez incongru dans cette banlieue chic de Chicago. Car ils sont ainsi, les Insull. Ils aiment l'argent, mais ils aiment aussi le dépenser pour se constituer une importante collection d'art. Et à la manière anglo-saxonne, assez paradoxale vu le contexte de la crise, ils aiment aussi donner à des œuvres charitables. D'ailleurs, quelques jours seulement après le Jeudi Noir, le 5 novembre 1929, Insull et son épouse avaient inauguré l'Opéra de Chicago, dont ils étaient les généreux mécènes. Mais ces moments heureux semblent bien loin aujourd'hui. Pris à la gorge, le mania remue ciel et terre pour tenter de colmater l'effondrement de ses holdings. Plus rien à dire, plus rien à faire. J'ai tout essayé, Gladys. La situation ne peut pas être sauvée. Il ne reste plus qu'à brader notre fortune. Parce que d'ici peu, nous aurons 2 millions d'actionnaires aux trousses. Je refuse de partir, Sam. Je refuse de tout perdre. Il n'en est pas question, tu m'entends? Pourquoi devrions nous vendre? Nous avons des millions, nous avons des milliards. Nous avons des amis riches et puissants. Nous pouvons leur emprunter s'il faut éponger quelques dettes. Nous pouvons rappeler le président Hoover en personne, lui expliquer la situation. Tu peux consulter Rockefeller, Mitchell, leur demander ce qu'ils comptent faire, comment ils voient l'avenir. Tu peux... Enfin quoi, bouge-toi. Je refuse de devenir pauvre, Samuel. Tout, mais pas la pauvreté. Je ne veux pas revivre ça. Gladys, arrête, s'il te plaît. Tiens, prends ce mouchoir. Je te demande pardon, Sam. À présent, écoute-moi bien. Ce qui est en train de se produire est un séisme qui va ébranler la totalité du système capitaliste mondial. Le système que nous, moi et quelques autres, nous avons bâti avec une foi, une hargne et un acharnement que personne ne peut se figurer. Tout ça va partir en fumée, Gladys. Il y aura la famine sous nos fenêtres, la misère dans toutes les villes de notre pays. Ce sera le chaos et d'ici très peu de temps, j'aurai l'Amérique à mes basques. Tu comprends? J'aurais dû épouser Rockefeller, alors. Il vend du pétrole, moi je vends du vent, alors oui, il aurait sans doute été un meilleur parti que moi. Ouais. Qu'est-ce que je me serais ennuyé? Ça, je ne te le fais pas dire. Non, mais franchement, avec ce vieux grabataire qui ne pense qu'à ses clubs de golf... Il n'a même plus la force de soulever un putter. De toutes les façons, il a horreur des chanteuses. Ah oui? Et moi, je les adore. Une en particulier. On va s'en sortir, Gladys. J'ai pris des dispositions pour la vente des biens, des terrains, de notre collection d'œuvres d'art. Ça calmera les créanciers pour un temps au moins. Et nous disposons toujours de quelques liquidités? Pas loin d'un million de dollars. Je les aurai demain matin en petite coupure. Chante pour moi, Gladys. Là, maintenant? Je t'en prie, ma chérie, chante. Allez, chante. Ok, Sam, ok. Avril 1930. Alors que le pays continue de s'enfoncer dans la crise, le temps qui a passé n'a pas calmé la folle détermination de Karl Roddick. dans une rue de Chicago, Carl fait le guet sur le trottoir. Ça y est, je l'ai ferré, Insol. J'ai retrouvé sa trace et maintenant que je le tiens, je le lâcherai plus. Je vais le suivre comme une ombre, fidèle, silencieuse, mais tenace. Le grand patron de la Middle West Utilities dans un deux pièces meublées des vieux quartiers de Chicago. Qui l'eût cru ? Ça ferait un bel article, ça, Nora. Tu crois pas ? Hein ? Nora, ma belle Nora, quand tout ça sera fini, on se retrouvera, toi et moi, et on repartira du bon pied. Ouais. Tiens, même qu'on leur fera un enfant dans le dos à ces ploucs du New York Times, on montera notre propre canard. Et puis je deviendrai un écrivain célèbre, édité chez Scribners, comme Ernest Hemingway, John Dos Passos ou Scott Fitzgerald. Bon sang, le voilà. Midi tapante, l'heure de la promenade en limousine. Il est à l'heure, le vioc. Surtout, restez calme. Surtout, ne pas trembler. Allez, monsieur Insol, encore quelques mètres. C'est ça, par ici. Voilà. Loupé, et merde ! Quel abruti je suis ! Je ferais bien de foutre le camp, moi, avant de me faire repérer. Samuel Insol l'a échappé belle, mais il sait qu'il s'en est fallu de peu. Dès l'annonce dans la presse de Chicago de l'incident, les lettres de menaces contre l'ex-milliardaire ne cessent d'envahir les rédactions des journaux locaux. Tapi dans son appartement, Insol n'en mène pas large. Il embauche une garde rapprochée, une horde de gorilles chargée d'assurer sa sécurité, tandis qu'aux manettes du peu d'argent qui lui reste, il tente de rebâtir sa réputation déchue. En vain. Bientôt, ce n'est plus la vengeance désespérée des petites gens qu'il doit craindre comme son ombre, mais bel et bien les plus hautes instances de la justice américaine. New York, 2 mai 1930. Cher Carl, j'ai failli commencer cette lettre par mon amour, mais réflexion faite, il n'en est pas question. Pas tant que tu ne m'auras pas dit la vérité. La tentative d'assassinat de Samuel Insol était en une des journaux de la semaine dernière, j'imagine que tu es au courant. Carl, je ne sais pas si c'est toi qui es l'auteur de cet acte parfaitement désespéré, mais je t'en prie, il faut que tu reviennes à la raison. Rentre à New York et abandonne l'idée folle de traquer Samuel Insol coûte que coûte. C'est un projet qui te mènera droit derrière les barreaux pour le restant de tes jours. Écris-moi. Ta Nora. Chicago, 8 mai 1930. Nora, bon sang, n'arrête jamais de m'écrire, je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en conjure, Nora. Non, ce n'est pas moi qui ai tiré sur Samuel Insol à Chicago. C'est un autre Carl Roddick, un autre fils d'ouvrier suicidé parce qu'il avait tout perdu et qu'il se retrouvait à la rue, lui et sa famille. Un autre Carl Roddick, Nora. Ça te va comme ça ? De toutes les façons, tu n'as plus à t'inquiéter, car ce matin même, le parquet de l'Illinois a fait ouvrir une enquête contre Samuel Insol. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Il va avoir une armée de barjots des chiffres chargé de fouiller sa vie et ses comptes en banque de fond en comble. Et crois-moi, avec ce qui se passe dans le pays, la misère qui gagne de jour en jour, le désespoir de millions d'Américains fatigués, ruinés, exsangues, la justice aura à cœur de retracer la fortune d'Insol, du premier au dernier cent de sa triste destinée. Pour en faire un exemple, c'est lui qui finira derrière les barreaux, Nora, pas moi. Signé le vrai Carl Roddick. PS, c'est d'accord, je rentre à New York. Et si le Times veut toujours de moi, je reprendrai volontiers du service. Et toi, voudras-tu de moi ? Je t'aime. Mais Samuel Insol le sait. Si un examen approfondi des comptes de ses sociétés était ordonné, il révélerait les centaines de millions qu'il a fait perdre ses petits actionnaires. Mais aussi la longue liste des personnalités politiques ayant perçu des pots de vin pour favoriser ses intérêts. L'enjeu est donc énorme. Craignant la justice, le vieil homme choisit la fuite. Samuel et Gladys Insol embarquent à la hâte sur un paquebot, laissant derrière eux une Amérique à bout de souffle et une population exsangue. Quelques mois à peine après le krach du jeudi noir, des bidonvilles, les Hooverville, comme on les appelle ironiquement, pullulent autour des grandes cités du pays. 5 millions de travailleurs sont sans emploi et les centres d'accueil sont saturés. On fait la queue devant l'armée du salut, et chaque matin, dans les parcs publics devenus des asiles, on découvre de nouveaux corps inertes. De cette grande dépression qui ravage le pays, c'est le président Hoover que l'on rend en partie responsable. Jour après jour, malgré les faillites en chaîne et les dévaluations compétitives, malgré les troubles sociaux et la montée des extrémismes politiques, Hoover réitère une confiance aveugle au système capitaliste qui, assure-t-il, avec l'aide des grands industriels, rétablira une économie saine et prospère. Le vieux salopard m'a filé entre les doigts. Remarque, s'il a échappé à la justice américaine, il peut bien semer un petit journaliste du New York Times. En tout cas, la disparition d'Insol m'a permis de retrouver Nora et mon job au journal. Je me sens mieux. Seulement voilà, assister à la banqueroute de son pays est une chose, et devoir la commenter au quotidien en est une autre. Je ne supporte plus ce spectacle de misère, ce pays qui part en vrille. Faut que je change, que je mette les voiles. Faudrait, je sais pas moi, mais... Faudrait que Bill et Jack acceptent de nous muter, Nora et moi. Sur le vieux continent, ce serait un beau programme. Même si les temps sont durs aussi là-bas. C'est un drôle de rêve. Bonjour. On était au Select assis avec les autres. T'étais à côté de moi, mais t'avais la grosse tête d'Ernest Hemingway. Mes épaules ne pourraient pas soutenir la tête de ce gorille, chérie. C'était toi, Karl, avec la tête d'Hemingway. Oh, je crois qu'on a trop bu hier soir, non? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent picoler, ces gens-là? Septembre 1932. Karl et Nora vivent à Paris, où ils ont été envoyés comme correspondants du New York Times. Installés d'abord dans un hôtel des beaux quartiers, ils ont déménagé pour une mansarde du quartier latin, au carrefour des rues Dauphine, Bussy et Mazarine. Ils vivent au rythme de la fête qui anime la nuit parisienne. Ils ont enfin retrouvé un peu d'insouciance. Tu crois qu'il va donner mon roman à son éditeur? Hemingway? Tu rêves, chérie. Pour les bons sentiments, adresse-toi plutôt à Fitzgerald. Ne confie ni ton livre ni ta fiancée à Ernest Hemingway. Bon, allez, debout. Quoi, debout? Mais pas question, moi je me recouche. Ah, tu plaisantes, Nora, il fait un temps magnifique. Allez, viens, on sort. Ah non, moi j'aime mieux la pluie. Comme tu voudras. Si tu changes d'avis, je suis au Procope. Ah, aucune chance. Bonne nuit. Alors que Karl est installé à la terrasse du café Procope, son regard est soudain attiré par la silhouette d'un vieil homme faisant son marché. Insol? Samuel Insol? C'est lui, j'en suis sûr. Cette démarche claudiquante me disait quelque chose. Bon sang, je l'ai retrouvé. Je savais que cette ville me porterait chance, mais pas au point de remettre la main sur lui. Cette fois, je te tiens Insol. Bah, où tu vas comme ça? Déguisé, hein? Quelque chose dans son allure a changé. La moustache, peut-être? Ou les cheveux? Ouais, c'est ça. La teinture de tes cheveux, vieille canaille. Ça le rajeunit de moins de 10 ans. Dans les ruelles du quartier latin, c'est à distance que Karl suit la trace de Samuel Insol. Mais la filature dure trop longtemps pour ne pas éveiller ses soupçons. Ma parole, c'est qu'il me balade, le vieux. Voilà bientôt 1 heure qu'on tourne en boucle. Et vas-y que je rentre dans un café, que je change de trottoir. Il a pas pu me repérer, c'est pas possible. Ah, enfin il rentre dans un immeuble, le vieux renard. Qu'est-ce que je fais? Je reste là, planté comme un idiot, ou j'appelle les flics? Après quelques minutes d'hésitation, Karl se décide enfin à alerter les autorités pour signaler la présence de Samuel Insol, fugitif recherché par la justice américaine. Au poste de police le plus proche, il donne le descriptif et l'adresse de l'immeuble dans lequel le vieil homme s'est introduit. À la question « Avez-vous été repéré ?», Karl ne sait que répondre. La police s'apprête à interpeller le suspect, mais trop tard. Une fois de plus, Samuel et Gladys Insol ont disparu dans la nature. Dépité, Karl, qui refuse de baisser les bras, réussit à s'introduire dans la chambre d'hôtel du couple en fuite et entame une fouille minutieuse. Une fouille qui lui permet de découvrir dans une poubelle un dépliant publicitaire pour une compagnie navale grecque du port de Marseille. À la gare de Lyon, le train pour Marseille est sur le point de partir. Tu es sûre que tu ne veux pas venir avec moi? Oui, j'en suis absolument certaine, Karl. Et ton seul indice, c'est un prospectus? Tu penses que je fais une connerie? Je pense que tu t'es trompé de vocation, voilà ce que je dis. T'aurais dû être flic. Ça n'a rien à voir, Nora. On n'était pas bien, à Paris, tous les deux? Fallait absolument que tu replonges dans cette histoire de fou? Je dois le suivre où qu'il aille. Il faut que je le traque. Je ne supporte pas qu'il soit libre, qu'il voyage, tu comprends ça? Sans quoi je ne serai jamais en paix. Mais tu ne seras jamais en paix, Karl. Et moi, je me demande ce que je fous avec un type comme toi. J'en ai ma claque de tout ça. Je rentre à New York. Tu sais pourquoi une seule a choisi la Grèce? C'est fini, Karl. Parce qu'une fois en Grèce, personne ne pourra l'en déloger. T'écoutes ce que je te dis? On pourra pas l'extrader, tu comprends? T'écoutes pas. T'écoutes rien ni personne. Jamais. Tu vas en Grèce, mais t'es même pas sûr de ce que tu vas y trouver. Une seule a peut-être changé d'avis. Il peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Je vous aime, Nora O'Neill, mais il faut que je monte dans ce train pour Marseille, que j'embarque sur un cargo et que je traverse la Méditerranée. Jusqu'à Athènes? Oui, jusqu'à Athènes, jusqu'au Pirée. Tu m'écris, d'accord? Tu m'écris et tu fais attention à toi. Ok. Jure-le-moi. Je te le jure. Quelques jours plus tard, à Athènes. À nous. À nous, à la Grèce. C'est notre liberté, ma chérie. C'est le paradis. Ici, personne ne viendra nous emmerder. Que Dieu t'entende, Sam. Anna, ne bouge pas, j'y vais. Kalispera, Mr. Insole. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Eh bien... Mon nom est Karl Rodick. Je suis journaliste au New York Times. C'est moi qui vous ai suivi à Paris. Toujours pas? Qu'est-ce que vous me voulez? Sam? Qui est-ce? C'est personne, ma chérie. J'arrive. Vous êtes le compte chez moi, espèce de petit minable. Je suis venu pour vous prévenir, Insole. Si c'est de l'argent que vous voulez, je n'en ai pas. Plus. Vous n'en avez plus, nuance. L'argent, ça va, ça vient, vous savez. Je vais vous faire arrêter, Insole. Je suis au regret de vous dire qu'ici, vous ne pouvez rien contre moi. La Grèce n'a pas signé de... Traité d'extradition, c'est vrai. Enfin, pour le moment, c'est vrai. Mais un jour ou l'autre, on vous ramènera en Amérique. Et par la peau des fesses avec ça. Et ce jour-là, vous penserez à moi. À moi, à mon père, Frank Rodick. Comme à tous les gens que vous avez roulés et foutus sur la paille. Riez, allez-y, riez de bon cœur. Mais sachez que tant que vous serez en liberté, je serai sur votre dos. Vous perdez votre temps, mon petit. C'est comment votre nom? Rodick. Karl Rodick. Au revoir, Sam. Ça y est, Nora, on a réussi. Les Insole vont être expulsés et rapatriés aux États-Unis. Tu vois, tous mes efforts n'ont pas été vains. Toi qui n'y croyais pas une seconde, j'espère que cette nouvelle te réjouira. Il m'aura fallu un an de patience et d'obstination pour convaincre l'ambassadeur de pousser le gouvernement à ne pas lâcher la demande d'extradition. Et ça a fini par payer. Samuel Insole ne peut plus échapper à la justice à présent. Il doit se rendre. Sa cavale est finie. Et les milliers de pauvres types qu'il a bernés vont enfin retrouver, sinon leur argent, du moins un peu de dignité. Comment exprimer ce que je ressens? C'est un sentiment de soulagement et de joie mêlé. Je peux enfin respirer à plein poumon, Nora. Bientôt je serai rentré et on pourra recommencer à vivre ensemble, toi et moi. Comme avant. Non, mieux. Oui, mieux qu'avant. Si tu veux toujours de moi. Ton Karl. Mais le jeune Karl Rodick a crié victoire un peu tôt. Il a en effet sous-estimé les incroyables ressources de Samuel Insole. Quand est venu le jour de son expulsion, les autorités grecques ont trouvé un appartement vide, comme la police française un an plus tôt. Le couple fugitif est déjà en mer. Malade du cœur, Samuel Insole tente une dernière fois d'échapper à son destin. Pendant plusieurs semaines encore, depuis la cabine du petit bateau qui vogue dans l'archipel des Cyclades, il supplie les rois, les émirs, de lui accorder un droit d'asile. Mais tous le lui refusent. À bout de force, Samuel et Gladys Insole mettent le cap sur Istanbul. C'est là que s'achèvera leur fuite en avant. Après plus de 2 ans de traque, la police turque renvoie Samuel Insole aux autorités américaines. À son arrivée aux États-Unis, le milliardaire est arrêté et conduit à la prison de Cook Country. Son procès commence quelques mois plus tard, le 2 octobre 1934, au tribunal fédéral de Chicago. Karl, attends. Faut que j'y aille, Nora, je dois annoncer le verdict à ma mère. C'est dégueulasse. Je sais. Tu l'as vu? Il n'a fait que larmoyer pendant toute l'audience. Un sacré comédien. Sacré salaud, oui. Banqueroute frauduleuse, détournement de fonds et de publicité trompeuse, et pourtant ça n'a pas suffi. Le jury a flanché quand même. Il avait le meilleur avocat de Chicago. Que Samuel Insull ait vendu des actions à un prix 100 fois supérieur à leur véritable valeur, ça n'a pas suffi. Le juge avait pris son parti avant même le début de l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire, un civil de procès? On a vraiment eu l'impression que c'était lui la victime, le monde à l'envers. Comment est-ce possible de croire à la bonne foi de ce vieillard? 700 millions de pertes, la plus importante faillite de l'histoire. Ça n'arrive pas tout seul. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Avec son infirmier à portée de main. Je suis tellement triste pour toi, Karl. Pour ta mère aussi. Moi, c'est à mon père que je pense. À lui et à tous les autres bernets de ce pays. J'ai honte. Nora, faut que je file. Ma mère ne doit pas tenir en place. Il va bien falloir que je lui annonce la mauvaise nouvelle. Hey, Karl Rodick. Oui? Dis-toi bien une chose. Quoi? Où que tu décides d'aller, je viendrai avec toi. Et toi, Nora, dis-toi bien une chose. Où que j'aille, je n'irai pas sans toi. En juillet 1938, 4 ans après le procès qui avait blanchi l'homme d'affaires, le couple Insull est en voyage à Paris. Place de la Concorde, alors qu'il vient de descendre les marches de la station de métro, Samuel Insull est terrassé par une crise cardiaque. Il avait dans sa poche 30 francs et 84 centimes. Samuel Insull, la cavale d'un milliardaire de Sharif Gattaz, avec Karl Rodick, Valéran de Normandie, Nora O'Neill, Peggy Martineau, Samuel Insull, Claude Aufort, Gladys Insull, Johanna Nizar et au saxophone, Claude Pironeau. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Victoria Aspert, assistante à la réalisation Alice Cachaner et réalisation Cédric Aussir. Dans un instant, nous poursuivons la discussion sur la crise de 1929 avec mon invité, Pierre-Cyril Aucoeur. Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. We'll be right back. Gregory Porter, Don't Lose Your Steam sur France Inter dans Autant on emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Florent Beauvallet. Pierre Cyril, au cœur, on vient d'entendre donc l'histoire croisée de Carl Roddick, ce jeune journaliste américain qui veut venger la mort de son père qui s'est suicidé au lendemain du Jeudi Noir parce qu'il avait misé toutes ses économies dans les actions Insull. Est-ce qu'on a une idée du nombre de destins qui furent brisés suite à cette crise pour de vrai, dans la vraie histoire? C'est difficile de répondre parce que ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la crise. Si c'est la crise boursière, il y a énormément de gens qui sont ruinés, mais c'est les gens riches, c'est principalement les gens riches qui avaient des actions, des obligations et qui sont ruinés. Les gens modestes qui avaient emprunté sont quand même beaucoup moins nombreux que ce qu'on croit, et c'est une toute petite proportion de la population. Ensuite, évidemment, après cette crise-là, il y a une crise qui, en fait, touche beaucoup plus de gens, qui est la crise bancaire, qui commence en 1931, qui dure jusqu'à 1933, et où il y a des milliers de banques qui font faillite, et les gens perdent tout leur argent. Et là, pour le coup, c'est des gens qui ont juste un compte en banque. Donc c'est vraiment presque tout le monde. Là, il y a eu des drames, quand même. Là, il y a des drames. Et puis, la chose la plus grave, en fait, c'est les gens qui sont au chômage à cause de ça. Parce qu'il y a, au maximum de la dépression, à peu près plus d'un quart des Américains qui sont au chômage. Et là, avec un système de protection sociale qui est extrêmement faible, et les plus pauvres des plus pauvres, c'est même pas les ouvriers qui deviennent chômeurs, parce que dans les villes, il y a encore un petit peu de protection sociale, et on en crée au fur et à mesure du développement du New Deal, mais c'est dans les campagnes les plus pauvres où les fermiers sont ruinés et où, pour le coup, il y a extrêmement peu de moyens de survivre. Oui, on voit les petits paysans de l'Oklahoma ou de l'Arkansas qui Exactement. Sont obligés de fuir leurs terres et de partir vers l'ouest, vers la Californie, pour espérer... Écrit par Steinbeck, les raisins de la colère. Voilà. Donc, effectivement, selon la manière dont on regarde, effectivement, le nombre de gens touchés est de toute façon très important, mais avec des effets qui sont différenciés selon les milieux sociaux, selon les âges aussi. C'est beaucoup de personnes âgées qui sont ruinées et qui n'ont plus la moyen de recommencer à travailler, alors que les jeunes, en fait, vont retrouver du travail et vont surmonter ça avec du temps, parce que finalement, toutes les analyses qu'on en fait montrent que ça n'est que grâce à la guerre, paradoxalement, que l'économie américaine va se ressortir réellement la Seconde Guerre mondiale. De cette longue crise des années 30. Pourquoi ? C'est le réarmement qui va... Le réarmement, on envoie... et puis on prend les jeunes et on les met au front à différents endroits. Mais le réarmement, c'est des dépenses considérables. Et il y a un accord politique sur le fait de faire ce réarmement. Alors que dans les années 30, on est beaucoup dans des mesures... sociale pour essayer de résoudre les problèmes des uns et des autres, et puis dans des mesures... Vous parlez du New Deal, c'est ça, va être mené par Roosevelt. Ouais. Des mesures de sauvetage aussi, on va nationaliser un très grand nombre de banques, d'entreprises qui sont en faillite, dont on ne sait pas quoi faire. C'est un aspect un peu oublié de ce qui se passe à ce moment-là. Cette prise de contrôle par l'État n'implique pas toujours de réembaucher, ne permet pas toujours d'améliorer l'efficacité économique. Et donc, pendant toutes les années 30, on a poursuite de ces difficultés. Et le personnage de Samuel Insull, donc un homme, un grand entrepreneur, donc un self-made man, qui a commencé petit employé, et qui a appris le métier avec Thomas Edison, un homme qui a un certain charisme, du talent, mais qui va devenir très riche, un homme qui profite aussi du développement de l'électricité. Est-ce qu'il était malhonnête? Il y a eu quand même un procès qui a été rendu, il a été inculpé, mais au bout du compte, il a été innocenté. On voit bien dans cette fiction, ce qu'on ressent quand même, c'est un sentiment d'injustice. Est-ce que c'est quelque chose qui a réellement existé, ce sentiment d'injustice? Dans le milieu des affaires américains de la fin du 19e siècle et jusqu'à l'entre-deux-guerres, le mot honnêteté a un sens un petit peu différent de celui qu'il a pour la plupart des gens. On est honnête quand on ne fait pas d'infraction au sens strict du terme. Mais la loi est faite de telle manière qu'on peut très très largement la contourner, qu'on peut vendre des actions 100 fois leur valeur réelle sans commettre rien qui soit un délit au sens strict. C'est pour ça qu'il est innocenté, au bout du compte, c'est probablement. C'est pour ça qu'il est innocenté. On peut donner de l'argent à des hommes politiques sans être condamné, tant qu'on n'a pas acheté de manière explicite et très démontrable une faveur particulière. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes au sens strict du terme, qui commettent des tas de choses qui sont au moins, dirons-nous, des indélicatesses, et qui en même temps sont des bâtisseurs d'empire. Je crois qu'on peut pas dénier complètement la dimension de visionnaire de gens comme Insull, mais comme Carnegie, comme Rockefeller, dans le développement industriel des États-Unis. Et ils ont apporté énormément de richesses aussi, tout en en prenant plus que leur part. Samuel Insull n'est pas un Madoff. Si on veut comparer la crise de 1929 et la crise de 2008, exactement, par exemple, c'est pas un pur spéculateur, c'est un entrepreneur qui est prêt à tout pour faire réussir ses entreprises, et est prêt à liquider celles des voisins, est prêt à vendre des actions à des prix complètement exagérés, à manipuler les cours, à se payer les meilleurs avocats pour contourner la loi, mais ça n'est pas de la pure fiction financière. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de révolte suite à la crise de 1929 qui auraient pu menacer l'ordre politique ? Il y a eu des mouvements relativement localisés par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Mais d'abord, les gens sont souvent ruinés au désespoir et ils n'ont pas forcément le temps à consacrer à ce... Voilà, donc il y a en partie il y a eu des marges de la faim, l'extrême-gauche américaine des essaye de faire des choses. Violents, oui, il y a des mouvements un peu violents. Et puis, il y a le talent de Roosevelt qui réussit à récupérer ça et en faire un mouvement politique raisonnablement positif, au sens où il dit, voilà, on va vous apporter des solutions, et il met le Parti démocrate au service de cette cause. De cette cause, et donc il permet d'éviter probablement ce qui aurait pu être une vraie révolution sur ça. En 1928, donc un an avant le jeudi noir, Hoover, qui était alors candidat à la présidence des États-Unis, avait déclaré dans un discours qui restait célèbre que l'Amérique avait triomphé de la pauvreté, que le chômage avait disparu pour toujours. Évidemment, un an après, c'est ce genre de discours. J'imagine que jamais plus on a osé le tenir après la crise de 29. Aussi. On ose. Aussi. Et d'ailleurs, ça a été vrai davantage, parce que dans les années 50-60, non seulement on avait retrouvé un niveau de vie plus élevé que celui de la veille de la crise, mais en plus, on avait lutté contre les inégalités de manière beaucoup plus efficace, parce que la société américaine des années 20 est encore une société extrêmement inégale, avec des gens comme Insull qui sont richissimes, et encore énormément de pauvreté dans certaines régions, notamment dans le Sud. Alors que dans les années 50-60, on a tous les programmes sociaux qui ont été développés, et on a des inégalités extrêmement faibles, notamment grâce au développement de l'éducation, l'accès d'une partie incroyablement élevée pour l'époque de gens à l'enseignement supérieur. Ça. Et donc, à ce moment-là, les gens croient à nouveau qu'on a surmonté la pauvreté. Et qu'on n'aura plus jamais de crise de 29. Et on croit qu'on n'aura plus jamais de crise de 29 parce qu'on a aussi développé le mythe que la Banque centrale américaine, qui n'a pas su faire face à ce qui s'est passé dans les années, au début des années 30, cette fois-ci a appris. Et ça, on nous l'a dit encore en 2008-2009. Ouais, vous voulez dire qu'on n'est toujours pas à l'abri? On n'est toujours pas à l'abri, bien sûr. Bon, eh bien, merci beaucoup Pierre-Cyril Hocker pour ces mots peu réconfortants, mais au moins, on l'a appris. Votre livre, je le répète, votre livre La crise de 1929 est publié à La Découverte. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr, où je vous invite à découvrir le nouveau dessin de Nina Lebec. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Drian, le sacrifié de Verdun, l'histoire du lieutenant-colonel qui, avant la bataille de Verdun, tenta en vain d'alerter le général Joffre de l'imminence d'une offensive allemande. Ou encore, Rirette Maître Jean, du col Claudine à la bande à Bonneau, un texte de l'écrivain Patrick Péchereau qui nous plonge dans l'univers des anarchistes en 1911, au moment où ils vont être entraînés par Jules Bonneau dans la spirale de la violence. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai l'histoire extraordinaire de Georg Elser, cet Allemand ordinaire en apparence, menuisier, qui en 1939, tout seul dans son coin, tenta d'assassiner Hitler. À 11 minutes près, il aurait peut-être pu empêcher les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Georg Elser, une conscience libre en plein totalitarisme, c'est dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.